Vous entendez, y'en a marre. On peut pas continuer comme ça. Y'en a marre. On peut pas continuer comme ça. Thank you. De la merde tout le temps, de la merde, de...